J'avais eu 14 ans en octobre, je crois. Je me prenais encore quelquefois pour le roi. Je rentrais de New York et à cet âge-là, quand on a vu New York, on dit qu'on a vu Troyes. J'écoutais la radio plus souvent qu'on ne doit. Et ce soir-là, quelqu'un racontait que là-bas, près de la bourse aux livres de cette ville-là, on arrêtait un homme qui rentrait de Cuba. Et voilà, 12 ans déjà, mais l'Amérique ne bouge pas. Il n'y a que moi qui parle encore de mer morte, les autres n'en ont pas. Le 22 novembre de cette année-là, un pont de chemin de fer enjambait le convoi. Quelque chose bougea quelque part près d'un toit, et sa tête éclata comme éclate une noix. On n'en arrêta qu'un, et puis, comme il se doit, on tua les témoins pour qu'ils ne parlent pas. Des voitures garées tout près du pont de bois, et des fumées bizarres qui partirent de là. Et voilà, 12 ans déjà, mais l'Amérique ne bouge pas. Il n'y a que moi qui parle encore de mer morte, les autres n'en ont pas. En plein mois de septembre de cette année-ci, quelques gosses traînaient chez Monsieur Publici, venant de n'importe où d'ailleurs ou de Paris. Les drugstores le dimanche, c'est comme le mercredi. Tout le monde se souvient de ce dimanche-là, et quelques-uns racontent, d'autres ne pourront pas. Les grenades quadrillées, on en trouve parfois. Il faut seulement savoir qu'elle tue à 100 pas. Et voilà, tout ça pourquoi? Pour dire que je suis encore là. Moi j'ai eu la chance seulement, seulement de vivre en France et de rester chez moi. Oui, j'ai eu la chance seulement, seulement de vivre en France et de rester chez moi.